Chapitre 5, quatrième partie. Le jour commençait à bleuir l'unique fenêtre du donjon lorsque je fus éveillé dans ma niche de granit par les sons lointains d'une trompe de chasse. Rien de triste, de mélancolique comme les vibrations de cet instrument au crépuscule, alors que tout se tait, que pas un souffle, pas un soupir ne vient troubler le silence de la solitude. La dernière note surtout, cette note prolongée qui s'étend sur la plaine immense, éveillant au loin, bien loin, les échos de la montagne à quelque chose de la grande poésie qui remue le cœur. Le coude sur ma peau d'ours, j'écoutais cette voix plaintive, évoquant les souvenirs des âges féodaux. La vue de ma chambre, de cette voûte, basse, sombre, écrasée, antique repère du loup de Nidec, et plus loin, cette petite fenêtre à vitraux de plomb en plein cintre, plus large que haute et profondément enclavée dans le mur, ajoutait encore à la sévérité de mes réflexions. Je me levai brusquement et je courus ouvrir la fenêtre tout au large. Là m'attendait un de ces spectacles que nulle parole humaine ne saurait décrire, le spectacle que l'aigle fauve des hautes Alpes voit chaque matin au lever du rideau pourpre de l'horizon. Des montagnes, et puis des montagnes, flots immobiles qui s'aplanissent et s'effacent dans les brumes lointaines des Vosges et du Jura. Des forêts immenses, des lacs, des crêtes éblouissantes, traçant leurs lignes escarpées sur le fond bleuâtre des vallons comblés de neige. Au bout de tout cela, l'infini. Quel enthousiasme serait à la hauteur d'un semblable tableau ? Je restais confondu d'admiration. À chaque regard se multipliaient les détails. Hameaux, fermes, villages semblaient poindre dans chaque pli de terrain. Il suffisait de regarder pour les voir. J'étais là depuis un quart d'heure quand une main se posa lentement sur mon épaule. Je me retournai. La figure calme et le sourire silencieux de Gédéon me saluèrent d'un « Guten Tag, Fritz ». Puis il s'accouda près de moi sur la pierre, fumant son bout de pipe. Il étendait la main dans l'infini et me disait « Regarde, Fritz, regarde, tu dois aimer ça, fils du Schwarzwald. Regarde là-bas, tout là-bas, la roche creuse. La vois-tu? Te rappelles-tu Gertrude? Oh, que toutes ces choses sont loin !» Sperver essuyait une larme. Que pouvais-je lui répondre? Nous restâmes longtemps contemplatifs, émus de tant de grandeur. Parfois le vieux braconnier, me voyant fixer les yeux sur un point de l'horizon, me disait « Ceci, c'est le Waldhorn, ça, le Tiefental. Tu vois, Fritz, le torrent de la Steinbach, il est arrêté. Il est pendu en franges de glace sur l'épaule du Harberg. Un froid manteau pour l'hiver. Et là-bas, ce sentier, il mène à Tübingen. Avant 15 jours, nous aurons de la peine à le retrouver. » Ainsi se passa plus d'une heure. Je ne pouvais me détacher de ce spectacle. Quelques oiseaux de proie, l'aile échancrée, la queue en éventail, planaient autour du donjon. Des hérons filaient au-dessus, se dérobant à la serre par la hauteur de leur vol. Du reste, pas un nuage. Toute la neige était à terre. La trompe saluait une dernière fois la montagne. « C'est mon ami Zébald qui pleure là-bas, » dit Sperver. « Un bon connaisseur en chiens et en chevaux. » Et de plus, la première trompe d'Allemagne. Écoute-moi ça, Fritz, comme c'est moelleux. Pauvre Sebald, il se consume depuis la maladie de Monseigneur. Il ne peut plus chasser comme autrefois. Voici sa seule consolation. Tous les matins, au lever du jour, il monte sur l'Altenberg et sonne les airs favoris du comte. Il pense que ça pourra le guérir. Sperver, avec ce tact de l'homme qui sait admirer, n'avait pas interrompu ma contemplation. Mais quand ébloui de tant de lumière, je regardais dans l'ombre de la tour. « Fritz, me dit-il, tout va bien. Le comte n'a pas eu d'attaque. » Ces paroles me ramenèrent au sentiment du réel. « Ah, tant mieux, tant mieux. C'est toi, Fritz, qui lui vaut ça. » « Comment, moi, je ne lui ai rien prescrit. »« Eh, qu'importe, tu étais là. » « Tu plaisantes, Gédéon. Que fait ici ma présence, du moment que je n'ordonne rien aux malades ? Ça fait que tu lui portes bonheur. » Je le regardais dans le blanc des yeux. Il ne riait pas. « Oui ?» reprit-il sérieusement. « Tu es un porte-bonheur, Fritz. Les années précédentes, notre seigneur avait une deuxième attaque le lendemain de la première, puis une troisième, une quatrième. Tu empêches tout cela. Tu arrêtes le mal, c'est clair. » « Pas trop, Sperver. Moi, je trouve au contraire que c'est très obscur. »« On apprend à tout âge, » reprit le brave homme. « Sache, Fritz, qu'il y a des portes-bonheur dans ce monde et des portes-malheur aussi. Par exemple, ce gueux de Knapwurst est mon porte-malheur à moi. Chaque fois que je le rencontre en partant pour la chasse, je suis sûr qu'il m'arrivera quelque chose. Mon fusil rate, je me foule le pied, un de mes chiens est éventré, que sais-je. Aussi, moi, sachant la chose, j'ai soin de partir au petit jour, avant que le drôle, qui dort comme un loir, n'ait ouvert l'œil. Ou bien je file par la porte de derrière, par une poterne, tu comprends ? Je comprends très bien, mais tes idées me paraissent singulières, Gédéon. Toi, Fritz, poursuivit-il sans m'écouter, tu es un brave et digne garçon. Le ciel a placé sur ta tête des bénédictions innombrables. Il suffit de voir ta bonne figure, ton regard franc, ton sourire plein de bonhomie pour être joyeux. Enfin, tu portes bonheur aux gens, c'est positif, je l'ai toujours dit. Et la preuve, en veux-tu la preuve ? Oui, parbleu, je ne serais pas fâché de reconnaître tant de vertus cachées dans ma personne. Eh bien, fit-il en me saisissant au poignet, regarde là-bas. Il m'indiquait un monticule à deux portées de carabine du château. Ce rocher enfoncé dans la neige, avec une broussaille à gauche, le vois-tu ? Parfaitement. Regarde autour, tu ne vois rien ? Non. Eh, parbleu, c'est tout simple, tu as chassé la peste noire. Chaque année, à la deuxième attaque, on la voyait là, les pieds dans les mains. La nuit, elle allumait du feu, elle se chauffait et faisait cuire des racines. C'était une malédiction. Ce matin, la première chose que je fais, c'est de grimper ici. Je monte sur la tourelle des signaux, je regarde, parti. La vieille coquine, j'ai beau me mettre la main sur les yeux, regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, dans la plaine, sur la montagne, rien, rien. Elle t'avait senti, c'est sûr. Et le brave homme, m'embrassant avec enthousiasme, s'écria d'un accent ému. Oh, Fritz, Fritz, quelle chance de t'avoir amené ici. C'est la vieille qui doit être vexée. Je l'avoue, j'étais un peu honteux de me trouver tant de mérite, sans m'en être jamais aperçu jusqu'alors. Ainsi, Sperver, repris-je, le comte a bien passé la nuit. Très bien. Alors, tout est pour le mieux. Descendons. Nous traversâmes de nouveau la courtine et je pus mieux observer ce passage dont les remparts avaient une hauteur prodigieuse. Il se prolongeait à pic avec le roc jusqu'au fond de la vallée. C'était un escalier de précipices échelonnés les uns au-dessus des autres. En y plongeant le regard, je me sentis pris de vertige et, reculant épouvanté jusqu'au milieu de la plateforme, j'entrai rapidement dans le couloir qui mène au château. Sperver et moi, nous avions déjà parcouru de vastes corridors lorsqu'une grande porte ouverte se rencontra sur notre passage. J'y jetai les yeux et je vis, tout au haut d'une échelle double, le petit gnome Knapwurst, dont la physionomie grotesque m'avait frappé la veille. La salle elle-même attira mon attention par son aspect imposant. C'était la salle des archives du Nidec, pièce haute, sombre, poudreuse, à grandes fenêtres ogivales, prenant au sommet de la voûte et descendant en courbe à 3 mètres du parquet. Là se trouvaient disposés sur de vastes rayons, par les soins des anciens abbés, non seulement tous les documents, titres, arbres généalogiques des Nidec, établissant leurs droits, alliances, rapports historiques avec les plus illustres familles de l'Allemagne, mais encore toutes les chroniques du Schwarzwald, les recueils des anciens Minnesinger et les grands ouvrages in folio sortis des presses de Gutenberg et de Faust, aussi vénérables par leur origine que par la solidité monumentale de leur reliure. Les grandes ombres de la voûte, drapant les murailles froides de leur teinte grise, rappelaient le souvenir des anciens cloîtres du Moyen-Âge, et ce gnome, assis tout en haut de son échelle, un énorme volume à tranches rouges sur ses genoux cagneux, la tête enfoncée dans un mortier de fourrure, l'œil gris, le nez épaté, les lèvres contractées par la réflexion, les épaules larges, les membres grêles et le dos arrondi, semblait bien l'hôte naturel, le famulus, le rat comme l'appelait Sperver, de ce dernier refuge de la science au Nidec. Mais ce qui donnait à la salle des archives une importance vraiment historique, c'étaient les portraits de famille occupant tout un côté de l'antique bibliothèque. Ils y étaient tous, hommes et femmes, depuis Hugues le Loup jusqu'à Yeri Hans, le seigneur actuel, depuis la grossière ébauche des temps barbares jusqu'à l'œuvre parfaite des plus illustres maîtres de notre époque. Mes regards se portèrent naturellement de ce côté. Hugues Ier, la tête chauve, semblait me regarder comme vous regarde un loup au détour d'un bois, son œil gris injecté de sang, sa barbe rousse et ses larges oreilles poilues lui donnaient un air de férocité qui me fit peur. Près de lui, comme l'agneau près du fauve, une jeune femme, l'œil doux et triste, le front haut, les mains croisées sur la poitrine, supportant un livre d'heures à fermoir d'acier, la chevelure blonde, soyeuse, abondante, partagée sur le milieu de la tête et tombant en nattes épaisses de chaque côté de la figure qu'elles entouraient d'une auréole d'or, m'attira par son caractère de ressemblance avec Odile de Nidec. Rien de suave et de charmant comme cette vieille peinture sur bois, un peu roide et sèche de contour, mais d'une adorable naïveté. Je la regardais depuis quelques instants lorsqu'un autre portrait de femme, suspendu à côté, attira mon attention. Figurez-vous le type wisigothe dans sa vérité primitive, front large et bas, yeux jaunes, pommettes saillantes, cheveux roux, nez d'aigle. Que cette femme devait convenir à Hugues, me dis-je en moi-même. Et je me pris à considérer le costume. Il répondait à l'énergie de la tête. La main droite s'appuyait sur un glaive. Un corselet de fer serrait la taille. Il me serait difficile d'exprimer les réflexions qui m'agitèrent en présence de ces trois physionomies. Mon œil allait de l'une à l'autre avec une curiosité singulière. Je ne pouvais m'en détacher. Sperver, s'arrêtant sur le seuil de la bibliothèque, avait lancé un coup de sifflet aigu. Knapwurst le regardait de toute la hauteur de son échelle, sans bouger. « Est-ce moi que tu siffles comme un chien ?» dit le gnome. « Oui, méchant rat, c'est pour te faire honneur. »« Écoute, » reprit Knapwurst d'un ton de suprême dédain, « tu as beau faire, Sperver, tu ne peux cracher à la hauteur de mon soulier, je t'en défie. » Il lui présentait la semelle. « Et si je monte, je t'aplatis avec ce volume. » Gédéon se mit à rire et reprit. « Ne te fâche pas, bossu, ne te fâche pas. Je ne te veux pas de mal, au contraire, j'estime ton savoir. Mais que diable fais-tu là de si bonne heure auprès de ta lampe? On dirait que tu as passé la nuit. C'est vrai, je l'ai passé à lire. Les jours ne sont-ils pas assez longs pour toi? Non. » « Je suis à la recherche d'une question grave. Je ne dormirai qu'après l'avoir résolue. »« Diable, et cette question ?»« C'est de connaître par quelles circonstances Ludwig du Nidec trouva mon ancêtre, Otto le Nain, dans les forêts de la Thuringe. Tu sauras, Sperver, que mon aïeul Otto n'avait pas une coudée de haut. Cela fait environ un pied et demi. Il charmait le monde par sa sagesse. » Et figura très honorablement au couronnement de l'empereur Rodolphe. Le comte Ludwig l'avait fait enfermer dans un paon garni de toutes ses plumes. C'était l'un des plats les plus estimés de ce temps-là, avec les petits cochons de lait, mi-partie dorés et argentés. Pendant le festin, Otto déroulait la queue du paon, et tous les seigneurs, courtisans et grandes dames s'émerveillaient de cet ingénieux mécanisme. Enfin, Otto sortit l'épée au poing, et d'une voix retentissante, il cria « Vive l'empereur Rodolphe de Habsbourg !» Ce qui fut répété par toute la salle. Bernard Herzog mentionne ces circonstances. mais il ne dit pas d'où venait ce nain, s'il était de haut lignage ou de basse extraction, chose du reste peu probable, le vulgaire n'a pas tant d'esprit. J'étais stupéfait de l'orgueil d'un si petit être. Cependant, une curiosité extrême me portait à le ménager. Lui seul pouvait me fournir quelques renseignements sur le premier et le deuxième portrait à la droite de Hugues. « Monsieur Knapwurst, lui dis-je d'un ton respectueux, auriez-vous l'obligeance de m'éclairer sur un doute ?» Le petit bonhomme, flatté de mes paroles, répondit « Parlez, monsieur, s'il s'agit de chronique, je suis prêt à vous satisfaire. Quant au reste, je ne m'en soucie pas. » Précisément, ce serait de savoir à quel personnage se rapportent le deuxième et le troisième portrait de votre galerie. « Ah, ah !» fit Knapwurst, dont les traits s'animèrent. « Vous parlez d'Edwige et de Huldin, les deux femmes de Hugues. » Et déposant son volume, il descendit l'échelle pour converser plus à l'aise avec moi. Ses yeux brillaient. On voyait que les plaisirs de la vanité dominaient le petit homme. Il était glorieux d'étaler son savoir. Arrivé près de moi, il me salua gravement. Sperver se tenait derrière nous, fort satisfait de me faire admirer le nain du Nidec. Malgré le mauvais sort attaché, selon lui, à sa personne, il estimait et glorifiait ses vastes connaissances. « Monsieur, » dit Knapwurst en étendant sa longue main jaune vers les portraits, « Hugues von Nidec, premier de sa race, épousa en 832 Edwige de Lützelbourg, laquelle lui apporta en dot les comtés de Giromanie, du Hobart, les châteaux du Geroldseck, du Teufelshorn et d'autres encore. Hugues le Loup n'eut pas d'enfant de cette première femme, qui mourut toute jeune en l'an du Seigneur 837. Alors, Hugues, seigneur et maître de la dot, ne voulut pas la rendre. Il y eut de terribles batailles entre ses beaux-frères et lui. Mais cette autre femme, que vous voyez en corselet de fer, Huldin, l'aida de ses conseils. C'était une personne de grand courage. On ne sait ni d'où elle venait, ni à quelle famille elle appartenait. Mais cela ne l'a pas empêchée de sauver Hugues, fait prisonnier par Franz de Lützelbourg. Il devait être pendu le jour même, et l'on avait déjà tendu la barre de fer au créneau, quand Huldin, à la tête des vassaux du comte qu'elle avait entraîné par son courage, s'empara d'une poterne, sauva Hugues et fit pendre Franz à sa place. Hugues le Loup épousa cette seconde femme en 842. Il en eut trois enfants. Ainsi, repris-je tout rêveur, la première de ces femmes s'appelait Edwige. Et les descendants du Nidec n'ont aucun rapport avec elle? Aucun. En êtes-vous bien sûr? Je puis vous montrer notre arbre généalogique. Edwige n'a pas eu d'enfant. Huldine, la seconde femme, en a eu trois. C'est surprenant. Pourquoi? J'avais cru remarquer quelques ressemblances. Hé! Les ressemblances, les ressemblances! Fit Knapwurst avec un éclat de rire strident. Tenez, voyez-vous cette tabatière de vieux buis à côté de ce grand lévrier? Elle représente Hans Wurst, mon bisaïeul. Il a le nez en étain noir et le menton en galoche. J'ai le nez camard et la bouche agréable. Est-ce que ça m'empêche d'être son petit-fils? Non, sans doute. Eh bien, il en est de même pour les Nidec. Ils peuvent avoir des traits d'Edwige, je ne dis pas le contraire, mais c'est Huldin qui est leur souche-mère. Voyez l'arbre généalogique, voyez, monsieur. Nous nous séparâmes, Knapwurst et moi, les meilleurs amis du monde.